que vous êtes jolie, que vous me semblez belle, quand la chance vous sourit, quand il fait très beau, quand le bonheur jaillit du bout de vos lèvres, que vous semblez jolie, que vous avez le sang chaud. Vous étiez flétri comme une fleur morte, comme un rituel, un parfum si chaud. Si la chance vous sourit en vous ouvrant sa porte, que vous êtes si gentil. Suivi.